À propos de prodiges, on me permettra de citer Pline dit l'Ancien. Il vécut au 1er siècle de notre ère. Un des hommes les plus remarquables de son époque par son génie, la dignité de son caractère et l'autorité dont il jouissait. Je rapporterai, non pas un fait dont il ait entendu parler ou qu'il ait lu, mais ce qu'il raconte comme l'ayant vu lui-même. Voici un passage extrait textuellement du 7e livre de son Histoire naturelle. Les métamorphoses des femmes en hommes ne sont point une fable. Nous lisons dans les annales que, sous le consulat de Quintus Licinius Crassus et de Gnaeus Cassius Longinus, une fille de Casinum, vivant avec ses parents, devint un jeune garçon et qu'elle fut transportée, par l'ordre des Aruspices, dans une île déserte. Licinius Mucianus prétendit avoir vu Argos, un jeune homme appelé Arescon, qui, jadis fille, sous le nom d'Arescusa, avait été mariée. Mais la barbe et les organes de la virilité s'étant manifestés, il avait épousé une femme. Le même Licinius dit avoir vu à Smyrne un jeune homme qui subit une semblable métamorphose. J'ai vu moi-même, en Afrique, Lucius Cossicius, citoyen de Tisdrus, qui, femme d'abord, changea de sexe le jour de ses noces. Il y a encore au moment où je raconte son aventure. Pline, dans le même livre, dit encore: il y a des êtres qui réunissent les deux sexes. Nous les appelons hermaphrodites. On les appelait autrefois androgynes et on les regardait comme des monstres. Aujourd'hui, ils font les délices du libertinage.